Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour une nouvelle leçon avancée. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella et aujourd'hui on a une leçon sur la transplantation cardiaque. Voilà, nous nous attaquons au domaine scientifique. Vous savez qu'à French Pond, nous sommes très éclectiques, donc nous avons une leçon qui concerne les progrès de la médecine aujourd'hui. Exactement, les progrès en matière de cardiologie. Et on dirait que nous avons affaire, Christella, vraiment à une avancée fantastique. Une avancée qui va peut-être révolutionner la vie de nombreuses personnes. D'accord, donc on va voir ce que c'est et on revient juste après pour en parler. On écoute le dialogue ensemble. C'est parti. Ah, les progrès scientifiques m'ont toujours fasciné. Moi de même. Pas plus tard qu'hier, j'ai été sidéré en lisant un article concernant les transplantations cardiaques. De quoi traitait-il ? L'article parlait d'un projet que le professeur Carpentier porte depuis plus de 15 ans. Concevoir un type inédit de cœur artificiel qui pourrait remplacer définitivement un cœur malade, et ce, afin de pallier à la pénurie de donneurs. Le professeur Carpentier ? Attends, ça me dit quelque chose. Sûrement, c'est un chirurgien français de renommée internationale. Il est également un inventeur prolifique qui a mis au point les bioprothèses valvulaires, récompensées par le prix international Albert Leisker en 2007. Et en quoi consistent ces bioprothèses ? Ce sont des valves cardiaques artificielles en cartilage de porc qui assurent le rôle de régulateur de sang dans le cœur, lorsque celui-ci ne peut être tenu correctement par les valves naturelles. Pour revenir au cœur artificiel, tu peux m'en dire un peu plus ? Il s'agit d'une petite pompe cardiaque qui aurait toutes les caractéristiques d'un cœur humain. Les bioprothèses sont insuffisantes en cas de troubles cardiaques sévères et c'est l'organe lui-même qui doit être remplacé. Tu te rends compte qu'il y a 10 millions d'insuffisants cardiaques dans le monde qui attendent ce type de produit ? Et quand cela va-t-il être efficace ? Les malades devront patienter. Il faudra encore 2 à 3 ans d'études avant que les premières expérimentations humaines aient lieu. L'important, c'est que ce soit en bonne voie. Donc voilà, on n'y est pas encore. Mais on espère qu'un jour, très tôt d'ailleurs, on va arriver à ce très beau résultat. Ouais, j'aime l'optimisme contenu dans la fin du dialogue qui se termine par « nous sommes en bonne voie ». C'est-à-dire, on va y arriver, on est sur le bon chemin, mais vraiment, on y arrive quoi. Et alors c'est vrai que j'ai été surpris en découvrant ce que ce professeur Carpentier est en train de mettre au point. Et c'est vrai que ce domaine scientifique me fascine un peu, puisque moi, j'y connais pas grand-chose, pour être honnête. Je sais pas si toi, t'y connais bien. Moi non plus, je suis pas une grande connaisseuse, mais je suis vraiment sidérée, comme il le dit dans le dialogue, vraiment extrêmement étonnée par la complexité de la matière et aussi toutes les recherches qui sont faites, toute la passion, l'énergie, le temps que les scientifiques y consacrent et les résultats, en fait, qui sont obtenus, ne serait-ce que par les prothèses qui existent déjà de nos jours. Ouais, c'est fascinant. C'est vraiment formidable, quoi. J'ai même du mal à en parler. T'es sidéré. Ouais. Et alors, généralement, vu la complexité des problèmes, cela prend beaucoup de temps. Pour trouver une solution adéquate. Voilà, et pour aboutir à quelque chose. Et donc, on voit ici que le professeur Carpentier, qui est une référence dans le domaine, là, ça fait déjà 15 ans qu'il porte ce projet. Plus de 15 ans. Exact. Qu'il porte ce projet, qu'il a ce projet, qu'il fait de recherche pour arriver à ce résultat magnifique. Ouais, qui serait donc de mettre au point un cœur artificiel qui pourrait totalement remplacer le cœur humain, en fait, le cœur naturel. Ouais, et c'est un besoin qui se fait vraiment ressentir, un besoin très fort dans le monde, étant donné qu'il y a une pénurie de donneurs de cœur. Ouais. Et donc les personnes qui ont des problèmes cardiaques, en général, doivent attendre très longtemps. Il y a de très longues listes d'attente pour avoir un donneur et vraiment cette invention permettrait de pallier à cette pénurie, donc de trouver une solution, d'atténuer les effets négatifs de cette pénurie. Et c'est vrai que là ce serait inédit, ce serait nouveau parce qu'il existe des parties artificielles qui peuvent être introduites dans le cœur pour remédier aux problèmes cardiaques, mais pas un cœur entier. Voilà, pas un cœur complet. Oui. Et c'est là que serait la nouveauté, c'est là où cette invention serait vraiment inédite. Et donc, lui, il est vraiment un professionnel dans la matière, puisque c'est lui qui avait déjà inventé les bioprothèses valvulaires. Alors, Amaury, je sais que tu as fait beaucoup de recherches sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que les bioprothèses valvulaires ? Alors, c'est vrai que t'as raison de souligner que j'ai dû faire des recherches. Hein. Applaudissez-le, s'il vous plaît, en écoutant ce podcast. Ça fera plaisir, Amaury. C'est vrai qu'il s'est vraiment renseigné sur le sujet. Bon, des prothèses, tu vois, c'est des pièces de remplacement pour un organe ou pour un membre, généralement. Et ici, valvulaire, ça veut dire pour remplacer une des deux valves qui sont contenues dans le cœur. D'accord. Et donc, c'est ce même professeur Carpentier qui avait mis au point ces valves, les valves les plus abouties et qui sont utilisées pour l'instant pour remplacer une petite partie, pas le cœur entier. D'accord. Et alors, c'est un progrès énorme, mais il y a encore des problèmes. C'est-à-dire qu'en remplaçant simplement les valves, les personnes qui se font aider, qui se font opérer, oui, ont une mobilité réduite par la suite. Ils ne peuvent pas vivre normalement. D'accord. Et en plus, généralement, la durée de vie des patients qui se sont fait opérer n'est pas très longue. Elle se limite à 4, 5, quelques années, en fait, on va dire. D'accord. Et donc, l'invention que le professeur Carpentier souhaite mettre au point permettrait aux patients d'avoir une durée de vie comme n'importe quel, n'importe quel autre être humain. Oui. C'est parfait. Ouais, c'est vraiment génial. C'est pour ça que ce serait vraiment une avancée énorme. Mais quand même, pour dire que ce que le professeur Carpentier avait fait avant par rapport à ses valves était déjà formidable, c'est qu'il a reçu un prix, qui est le prix Albert Lasker, qui est un prix pour la recherche médicale. C'est un prix qui existe depuis plus de 50 ans. C'est un prix international qui est attribué à des scientifiques qui ont contribué à des avancées majeures dans le domaine médical. Oui, et je suis vraiment pas étonnée que cette invention ait été récompensée par ce prix, puisqu'elle le méritait vraiment. Quand on récompense quelqu'un, quand on attribue un prix à quelqu'un, c'est vraiment pour reconnaître ses mérites. Et là, il fallait attribuer un prix au professeur Carpentier pour cette invention. Oui. Pour revenir encore à ces valves, c'est qu'elles arrivaient à aider des insuffisants cardiaques qui avaient des problèmes bénins, on va dire. Pour les insuffisants cardiaques qui avaient des problèmes de cœur plus sérieux, il n'y a toujours pas de technique adéquate. Alors justement, ce mot insuffisant cardiaque, alors là je tiens à souligner que insuffisant n'est pas un adjectif mais c'est un nom. Ouais. Qui signifie en fait un insuffisant, c'est une personne atteinte d'une déficience au niveau d'un organe, d'une déficience organique. Il y a des insuffisants cardiaques, mais il y a aussi des insuffisants respiratoires, ouais, par exemple. Et alors ici, on voit qu'il y en a pas mal des insuffisants cardiaques. 10 millions. 10 millions qui attendent en plus ce type de produit. J'espère vraiment que ça va marcher. Vraiment, apparemment, ils sont en bonne voie. On peut vraiment que croiser les doigts, espérer, prier que ce projet va aboutir et permettre à tous ces malades, à tous ces insuffisants cardiaques de mener une vie bien plus sereine. Mais pour l'instant, on va juste réécouter le dialogue ensemble. Ah, les progrès scientifiques m'ont toujours fasciné. Moi de même. Pas plus tard qu'hier, j'ai été sidéré en lisant un article concernant les transplantations cardiaques. De quoi traitait-il ? L'article parlait d'un projet que le professeur Carpentier porte depuis plus de 15 ans. Concevoir un type inédit de cœur artificiel qui pourrait remplacer définitivement un cœur malade, et ce, afin de pallier à la pénurie de donneurs. Le professeur Carpentier ? Attends, ça me dit quelque chose. Sûrement, c'est un chirurgien français de renommée internationale. Il est également un inventeur prolifique qui a mis au point les bioprothèses valvulaires, récompensées par le prix international Albert Lasker en 2007. Et en quoi consistent ces bioprothèses ? Ce sont des valves cardiaques artificielles en cartilage de porc qui assurent le rôle de régulateur de sang dans le cœur lorsque celui-ci ne peut être tenu correctement par les valves naturelles. Pour revenir au cœur artificiel, tu peux m'en dire un peu plus ? Il s'agit d'une petite pompe cardiaque qui aurait toutes les caractéristiques d'un cœur humain. Les bioprothèses sont insuffisantes en cas de troubles cardiaques sévères et c'est l'organe lui-même qui doit être remplacé. Tu te rends compte qu'il y a 10 millions d'insuffisants cardiaques dans le monde qui attendent ce type de produit ? Et quand cela va-t-il être efficace ? Les malades devront patienter. Il faudra encore 2 à 3 ans d'études avant que les premières expérimentations humaines aient lieu. L'important, c'est que ce soit en bonne voie. Et bien donc, nous revoilà. C'est agréable de parler d'un sujet qui nous a touchés tous les deux. Vraiment. Quand on a entendu parler du fait que ce projet était en train d'être développé, on s'est dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on écrive une leçon dessus, c'est vraiment trop intéressant. Et en plus, du coup, les utilisateurs de FrenchPod vont non seulement apprendre du vocabulaire intéressant, mais s'ils n'ont pas entendu parler de ce projet, ils vont aussi en entendre parler. Et surtout que c'est un projet qui est à la pointe de la médecine, mais qui a utilisé des compétences donc de scientifiques... Venus du monde entier, tout à fait. Qui sont des médecins, évidemment, qui sont des spécialistes du cœur. Mais pour réaliser ce nouveau cœur artificiel, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont fait aider par des spécialistes de l'aéronautique et de l'informatique également. EADS. EADS, qui est une entreprise française spécialisée dans l'électronique et l'aéronautique. En fait, c'est le professeur Carpentier qui a fait appel à eux, puisqu'il s'est rendu compte à un moment qu'on pouvait comparer le cœur à une machine très complexe, très élaborée, qui pouvait être rapprochée parfois à des systèmes informatiques ou des systèmes tellement complexes qui sont utilisés dans l'aéronautique. D'accord. Donc, il a demandé à ses spécialistes de venir faire des comparaisons, des simulations aussi, entre diverses techniques qu'ils emploient pour réaliser des avions ou des ordinateurs, tu vois. Et grâce à ces parallèles, ils ont pu avancer tous ensemble et créer ce prototype de cœur artificiel. Donc, ils ont pu avancer ensemble dans la recherche. Ouais. C'est beau. Tout à fait. Donc, vraiment, on espère ici que ça va aboutir. À toute l'équipe du professeur Carpentier, à toute l'équipe de ADS. On dit vraiment bonne chance et un grand merci pour tous les efforts fournis. Ouais. Donc, voilà, normalement, ce n'est pas pour demain. Ça risque de prendre encore quelques années. Mais on y croit tous. On y croit, on croise les doigts. Et puis, on vous dit à très bientôt pour la prochaine leçon avancée. On se retrouve sur le site frenchpod.com et je vous dis au revoir. Au revoir tout le monde. Salut.